Caro n'est jamais arraché à l'homme du West. Le Mbongo Tchobi n'en fera même pas ça. C'est Ngala Mbodi. Se gata nyawanyo lo ki matende no bana mongo. I'm going to go to the house.